Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional en parlant d'Alex Bussière. Alex Bussière qui était en compétition la semaine dernière, semaine dernière plutôt, à Sherbrooke. Et Bussière a négocié un temps de 3 minutes 56 secondes pour remporter la victoire. Donc, la prochaine compétition de l'athlète de Dolbeau-Missassini sera le 27 et le 28 janvier à McGill. Aux 600 mètres et il va participer également au relais 4 x 400 mètres et 4 x 800 mètres. Dans la section entrevue de danadosport.com, on a parlé avec Maud Tremblay de Dolbeau-Missassini. Maud Tremblay qui a participé aux qualifications nationales qui se déroulaient à Montréal en fin de semaine dernière. Maud Tremblay qui a pris le 27e rang au cumulatif. Évidemment, elle est là pour prendre de l'expérience et évidemment, elle a beaucoup, beaucoup apprécié cette expérience et elle est contente de sa participation. Oui, je te dirais que je suis quand même contente. J'étais dans les plus jeunes. C'était la première fois que je faisais les seniors. OK. Vu qu'il y avait beaucoup de grandes défis de l'équipe nationale, ben j'étais quand même contente de ma 27e position. Là. Ouais. Et dans un deuxième temps, Maud Tremblay nous parle des points qu'elle a améliorés cette année. Ce qui me restait à améliorer, ben comme je parlais avec mon coach qui m'a coaché là-bas, ben vraiment peut-être de créer une nouvelle stratégie, ne pas avoir peur d'aller en arrière du peloton dans certaines distances, des stratégies aussi pour contrer les dépassements des autres. Et on a parlé également avec l'équipe de Christopher Gagnon aussi, que l'équipe de Christopher Gagnon a remporté la médaille de bronze lors d'un tournoi qui se déroulait à Chicoutimi. Et il mentionne évidemment qu'il est quand même content, étant donné que c'est la première médaille de l'année pour l'équipe de Christopher Gagnon. Ben oui, on est content parce que c'est notre première médaille cette année, troisième position. Les autres tournois avant, c'était des quatrièmes positions. On est très satisfait. L'année est très difficile pour nous. Là. C'est un autre beat cette année un nouveau joueur avec parmi nous, là, vu qu'il y a deux qui nous ont laissé l'année passée, là. Ouais, pour ça, ben, ils nous ont laissé cette année, là, pour des raisons d'études. Ça devient difficile d'installer une chimie, explique Daniel Gagnon. Ben, c'est très difficile cette année. Notre équipe, Christopher, qui est maintenant, qui travaille en forêt, très difficile les semaines, il n'est pas là, il est parti toute la semaine. Il pratique les fins de semaine. C'est plutôt compliqué cette année. Mais la chimie, je te dirais, en tant que telle, même avec un nouveau membre, est très bonne. Le moral est très bon, sauf c'est ça. C'est le manque un peu de pratique de tout le monde ensemble, puis de jouer aussi là. La semaine là, que pour Christopher qui le fait pas, là, c'est plus compliqué un peu cette année, mais on réussit quand même à tirer notre épingle du jeu. Okay. Et le golfeur Pierre-Alexandre Bédance va participer à son premier tournoi en Floride à la mi-février, donc rejoint ce matin par danadosport.com. Il a mentionné qu'il avait certaines choses à régler là-bas en Floride avant de commencer ses activités. J'invite avec ta section entrevue de danadosport.com. On a parlé hier avec François-Olivier Roberge de patinage de vitesse sur courte piste. Je me suis également entendu avec David Simard où il parle évidemment des performances de Maud Tremblay, également de Catherine Mailloux au cours du week-end. Et je me suis également entretenu aussi hier avec Sébastien Morin, le descripteur des matchs des Saguenay. Sport local et régional, à danadosport.com, on s'en occupe.